À tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr, pour passer ce début de semaine ensemble sur l'antenne du 94 MHz, ou peut-être la fin de semaine si vous écoutez l'émission à partir du blog asile35.blogspot.fr ou du mixcloud.com/redman. Et on va attaquer avec des Italiens, avec une nouveauté du label Moon June Records, spécialisé dans le prog post-Canterbury, dans les lives un peu post-Soft Machine, les lives du milieu des années 70, ou encore le Soft Machine Legacy. Ils ont publié il y a de ça quelques mois, je crois que c'est à la rentrée du mois de septembre, un combo italien que je découvre avec ce disque All You Can Eat. Ils répondent au nom de Slivovitz. Alors c'est le troisième disque pour cette formation, un septet de Naples. Les deux précédents étaient également publié sur Moon June, mais votre serviteur ne les a pas entendus, donc je me garderai de faire aucun commentaire. Un combo jazz, en tout cas fusion sur ce All You Can Eat, qui mélange thème un peu à la Morricone, gimmick à la Frank Zappa ou encore King Crimson, et des influences un peu méditerranéennes, voire tziganes. C'est assez virtuose, mais ça reste assez fin au niveau mélodique, et surtout c'est joué à 200 à l'heure, un peu à l'image du titre que je propose pour attaquer l'émission de cette semaine, le morceau Mani in Faccia par le combo Slivovitz. We'll be right back. rencontrer de nouveau. Vous n'aviez jamais l'air de m'attendre. Mais nous nous retrouvions à chaque détour d'allée, derrière chaque buisson, au pied de chaque statue, au bord de chaque bassin. C'était comme s'il n'y avait eu dans tout ce jardin. Deux combos italiens pour le prix d'un pour démarrer les sélections de l'asile de cette semaine. Tout d'abord Slivovitz et le disque All You Can Eat, le troisième album en date de cette formation de Naples, avec donc pas mal de musiciens et d'instruments, des soufflants, du crin-crin et même un harmoniciste pour les colorations un peu américaines de la formation, qui d'ailleurs tire son nom d'un alcool slave, un spiritueux proche de la rakia, une eau de vie de prune qui tue les microbes et désinfecte les plaies, et que vous avez sans doute déjà goûté. J'en connais certains qui connaissaient le nom et qui m'ont envoyé des messages en privé. Voilà pour Slivovitz et le disque All You Can Eat est publié par l'étiquette Moon June Records, le label new-yorkais, et c'est enchaîné avec une autre formation que je découvre elle aussi. Et je crois que ce sont aussi des Napolitains, ou en tout cas des gens de la région. Ils répondent au nom de Astolfo sulla Luna, avec le disque Psi au carré, Psi qui est en graphie héritée de l'alphabet grec. Voilà, c'est une coproduction entre 5-6 labels, dont Mia Camerata Records, pour ce trio qui est à mi-chemin entre noise, poésie un peu déclamée ou hurlée, et rock in opposition, et des textes issus de bandes-son de films, notamment de la notée d'Antonioni, et pour le titre qu'on entendait, des textes en français qui étaient extraits de l'année dernière à Marienbad, le fameux film du début des années 60, co-signé entre Alain Resnais et et Monsieur Rob Grillet. Voilà donc pour Astolfo sous la Luna. Le line-up, c'est Lei, Louis et l'Altra. Trio donc Sludge, Noise, Free, qui envoie un peu du pâté. Alors la voix est pas forcément en italien, hein, n'est pas forcément le plus réussi sur ce qu'ils peuvent produire. C'est même ce qui est un peu agaçant sur la plupart des titres. Mais autrement, leur côté un peu mat, noise est plutôt pas mal. Voilà pour cette formation de la région de Naples. Et on va continuer avec un combo dont j'attendais la nouvelle sortie avec impatience. Ils répondent au nom de You Can Dance. C'est le combo d'Ethiopo Noise, originaire d'Addis Abeba et aussi de Lyon, porté par la voix d'Asnake Ghebreyes, qui évidemment est le musicien éthiopien de la bande et qui réside, je crois, aux Pays-Bas et qui a joué dans le trio Mohamed Jimmy Mohamed. Et les quatre musiciens lyonnais ne sont pas des inconnus, notamment le joueur de guitare baryton en la personne de Damien Cluzel, qu'on connaît surtout en tant que membre de Kuma et autres Polymorphies. Donc c'est le deuxième disque qui va sortir début du mois de février, c'est le 12 très exactement que ça sortira, ce vinyle coproduit entre Dur et Doux et Bigout Records sous le titre Awo. Deuxième album long, le précédent Yatchalal était sorti à l'époque sur l'excellent Buda Music, le port d'attache des musiques Ethiopian Jazz de Francis Falsesto, le fameux redécouvreur de Mahmoud Ahmed. Et comme le précédent, les compositions sont signées par Monsieur Cluzel, Damien, à partir de traditionnels réarrangés à la sauce Ethiopo, ZX et un peu de jazz aussi sur les bords, à l'image de ce Djela Djela qu'on va écouter tout de suite. Extrait de ce Awo par You Can Dance. Thank you. Une séquence très contrastée ou totalement décontrastée dans l'asile le plus sûr, avec tout d'abord le disque Awo, la nouvelle production de You Can Dance, le groupe lyono-éthiopo-hollandais porté par la voix d'Asnake Ghebreyes, toujours dans l'éthio-jazz, ce style né à la fin des années 50 qui a pris son essor dans les années 60 avec ses chansons d'amour chanté en éthiopien de manière assez hypnotique, et donc avec quatre musiciens français qui gravitent dans différents univers entre noise, free rock et aussi jazz contemporain. You Can Dance, que je n'ai toujours pas vu en concert, et c'est bien dommage. J'espère me rattraper en 2016 à l'occasion de cette parution et sans doute des concerts au printemps. Donc un disque qui sort le 12 février en version vinylique, également en version numérique via Atypique Music. Et je crois que le label Bouddha Music sortira la version CD. Alors ce sera sans doute sans bonus. Le précédent était très très long. Celui-ci fait le temps d'une galette vinylique. Cette nouvelle parution de You Can Dance avec un K et un Z à la fin, tout attaché. Voilà, on a enchaîné leur musique avec celle de Hamilton Yarns, qu'on vous a déjà proposé il y a de ça 3 semaines. Formation britannique qui sort des disques très très régulièrement dont personne ne parle, à part peut-être le magazine anglais The Wire qui les a classés en 8e de leur palmarès des disques d'avant-rock de 2015 pour ce Eye of the Storm, Two Coins in the Fountain, excellent double CDR sorti sur le label Hark en septembre dernier. Ce doit être leur 15e ou 20e album au Hamilton Yarns. Ce trio renforcé par différents potes à eux, ils sont tous de Brighton et ils mélangent donc petits claviers, trompinettes et aussi chant qui fait pas mal penser du post Robert Wyatt, pourquoi pas, ce genre de choses. Donc c'est vraiment très très bon, la musique de Hamilton Yarns, à l'image du titre qu'on entendait, Across the Sky. On va continuer avec une rencontre et deux musiciens que je ne connais pas vraiment, et même voire pas du tout, pour la chanteuse et électronicienne Christina Pulejkova, voilà, qui est une plasticienne multimédia d'origine macédonienne qui est très inspirée par l'astronomie, la géographie, l'écologie et les relations homme-machine et avec le cosmos. Voilà ce que nous dit sa biographie. Et elle a un duo en compagnie de Glenn Johnson, qui est quelqu'un d'un peu plus connu pour être le mentor de la formation britannique Piano Magique, qui fête ses 20 ans cette année, je crois. Quelqu'un qui oscille entre psyché, folk, pop un peu oblique et baroque, avec un tantinet d'ambiance électronique. Et ils viennent de faire paraître un disque qui est plutôt pas mal, sous le titre My Heart Has Run Out of Breath, sur le label londonien Second Language, label qu'on ne suit pas vraiment, mais qui existe depuis 4-5 ans, qui produit des choses telles que Colin et aussi Piano Magique d'ailleurs. Je crois qu'ils vont sortir un nouvel opus pour fêter ses 20 ans, Closure, sur Second Language d'ici quelques mois. En tout cas, donc, ce projet rencontre entre cette plasticienne et ce musicien assez touche-à-tout et plutôt pas mal. Une musique qui fait pas mal penser à un genre de croisement entre la musique de Antigraj Ripati, alias AGF, pour le traitement des voix, tout autant en allemand, anglais que macédonien ou encore italien et turc, et des ambiances un peu crépusculaires, une sorte de post-Kraftwerk au ralenti, de l'ambiance un peu introspective. Et à noter qu'il y a une vidéo qui accompagne la parution de ce My Heart Has Run Out of Breath, vidéo qui est disponible sur internet. Je vous mettrai le lien sur le blog de l'émission asile35.blogspot.fr. On écoute chante le Heart Four par Christina Puleshkova et Glenn Johnson. Thank you. Thank you. l'instant dans l'asile le plus sûr, sur Antenne 94 MHz, une triplette de titres enchaînés plutôt dans le domaine des musiques électroniques de tous horizons. On a démarré avec Christina et Glenn Johnston, extrait de ce My Heart Has Run Out of Breath, publié par Second Language, donc le projet qui réunit ce mentor de piano Magic, que vous connaissez sans doute, en compagnie de Madame Poulechkova, qui est plasticienne. Il y a d'ailleurs une vidéo disponible aussi en bonus de ce disque publié très récemment sur ce label londonien, une vidéo d'animation assez proche de Méliès, avec des histoires un peu cosmogonesques, on va dire ça comme ça. Et c'était enchaîné avec la rencontre entre Ostici, le projet du sound artist de Sheffield, David Newman de son vrai nom, et qui est aussi curateur du label Audio Bulb, et il est en compagnie de l'américain de Los Angeles Justin Varis pour un disque sous le titre Nine, un double album très plus exactement, et c'est sorti sur l'excellente étiquette hexagonale Alien Records, qui est un label co-animé par Mathias Van Iclou et Rémi Verdier, et un label spécialisé dans la musique concrète électroacoustique un peu cotonneuse, un peu ambiante shoegaze, dans la lignée un peu des labels 12K, Home Normal, Hibernate et autres Dronarium. Et ce disque est vraiment très très bon, ce Nine, disque d'ambiance atmosphérique qui fourmille de micros événements microscopiques, de textures chatoyantes. Et sur le deuxième album, les titres sont remixés, revisités par un peu les pontes des musiques électroniques actuelles, notamment Isnaj Dui et sa flûte magique Of The Sky, Monty Atkins et autres Will Bolton. Voilà pour Nine par Ostici et Justin Varis. Et on a terminé la séquence avec un hommage rendu à la doyenne des musiques électro-acoustiques danoises qui nous a quitté il y a ça quelques jours, le 18 janvier très exactement, à l'âge de 92 ans, donc la doyenne des musiques électroniques, puisque ses consoeurs, je pense notamment à Pauline Oliveros par exemple, Pauline Oliveros doit avoir autour simplement de 85 ans, voilà, donc elle se marie pas deux, qui a eu un parcours assez intéressant. Elle a fait partie de la résistance au Danemark. Elle a été arrêtée et internée au camp de Frolev. Et bon, je ne sais pas si elle envoyait des fréquences électroniques contre la Gestapo. En tout cas, elle s'est tournée vers les musiques électroniques et électroacoustiques un peu après avoir côtoyé Pierre Schaeffer au début des années 50, ainsi que Karlheinz Stockhausen. Elle a intégré les studios de la radio danoise au milieu des années 50, et puis à partir des années 60, elle a commencé à produire des pièces et à côtoyer les fameux enseignements de Darmstadt, notamment aux côtés de Ligeti ou de Stockhausen, et elle a été reconnue vraiment sur le tard. Il n'y a pas eu beaucoup d'éditions, même s'il y avait des représentations de musique concrète, de sa musique concrète à Paris au début des années 60, on l'a un peu occulté jusqu'aux années 2000, où une série de disques sont sortis, également un disque récemment en côté de son compatriote Jacob Kierkegaard, dont elle aurait pu être la grand-mère, et elle a commencé à se produire sur scène il y a de ça 3-4 ans. Voilà pour Elle se marie pas deux, et on entendait une pièce de 62, une étude que vous retrouvez sur un très beau coffret double CD publié par le label Important Records sous le titre Elle se marie pas d'eux, comme ça se prononce, PADE, Electronic Works, de 1958 à 1995. Voilà, donc on avait proposé d'ailleurs ce double album dans la dernière émission qu'on avait faite il y a de ça tout juste un an, lors du déménagement qu'on a quitté nos studios du Gast. On va continuer toujours dans cet esprit un peu ambiante, électronique et autres bizarreries. Italie, avec un autre compatriote d'ailleurs, de Madame Padeux, un jeune sound artiste de Copenhague, qui est bon nom de Mats Emil Nielsen, qui a publié précédemment des cassettes et aussi des collaborations avec ses compatriotes Anders Holst et Jomi Massage, ainsi qu'un CD sur son propre label, plateforme multimédia qui répond au nom de Arbitrary, en 2014 sous le titre Frameworks. Et donc il récidive avec ce 45 tours qui est sorti à la fin de l'année, 45 tours de loops électroniques et percussifs. L'un des titres avait d'ailleurs fait l'objet d'une parution sur un sampleur du magazine britannique The Wire de l'automne dernier, qui le présentait à l'époque comme un petit génie des sons trouvés et autres ondes sinus. On va écouter un extrait de ce 45 tours de Mats Emil Nielsen. Si l'on aime bien les triptyques, et donc on vous a encore proposé trois nouveaux morceaux de musique électronique ou apparentés. Il n'y avait pas que des choses produites avec des laptops et ce genre de choses dans ce qu'on entendait. Tout d'abord Mats Emil Nielsen et ce Percussion Loops, excellent 45 tours qu'il a produit sur son propre label Arbitrary. Alors lui travaille plutôt avec table de mix et différents sons trouvés. Alors je pense qu'il a quand même enregistré ses sons percussifs qu'il a retraité lui-même avec brio, ce Mats Emil Nielsen. Et c'était enchaîné avec le titre qui faisait un peu tambour du Bronx, bizarroïde au milieu. Il s'agissait de Lumizoki et le titre Transmissions from Reversaver sur Oral Tapes, un 33 tours qui vient tout juste de sortir de cette paire belgo-italienne très réactive et très active en ce moment, puisqu'on vous avait déjà proposé leur précédent opus. C'était à la rentrée dernière un disque qui était sorti sur l'excellent label Alter, qui avait sorti ce Mnemosyne de Lumizoki, et également les disques solo de ces deux membres, Corend Ecker, qui est évidemment le belgo de la bande, et Andrea Taiji. On vous a proposé aussi, je crois que c'était un disque sur 12K il y a de ça quelques semaines, disque qui mélange donc fréquences basses, batterie et percussion pour un genre de croisement entre dubstep et un genre un peu percussif, un post-industriel à la FM & Night de la grande époque d'Einstürzen 2 Neubauten, un disque apparemment inspiré par les constructivistes soviétiques et leur création sonore monumentale, notamment à base de sirènes, d'usines, de navires, de la mer Caspienne, ce genre de choses. Et donc une galette qui vient de sortir chez Opal Tapes, le label anglo-saxon dont s'occupe Mr. Stéphane Bishop du côté de Newcastle, et qui sort des choses en général très très bonnes. Et on a terminé avec le régional de l'étape, Monsieur Pierre Bastien, même s'il est régional du côté de Rotterdam, exilé là-bas depuis une bonne 20-25 ans, 25 ans au bas mot, que Pierre Bastien s'en est allé du côté des Pays-Bas. Et là, il s'agissait de son disque Blue as an Orange, qui fait un peu un parallèle avec le Grey, Orange and Red qu'on écoutait tout à l'heure de Hostici et Justin Varis. Excellent disque donc de Pierre Bastien, publié par le label tout aussi excellent de monsieur Rabbi Beyeni, le Libanais basé du côté de Venise, Morphine Records. Et on écoutait un deuxième extrait de cette excellente galette vinylique sous le titre Snide Dins. Donc Pierre Bastien, toujours avec ses moteurs de mécano, sa trompette et ses rythmes bancals, et aussi assez aléatoires. Voilà donc pour Blue as an Orange de Pierre Bastien. On va continuer avec un trio qu'on vous avait proposé aussi à l'occasion de leur premier album. Il s'agit de l'excellent Ice Peak, qui réunit Chris Corsano aux percussions, Ingebrigt Åkerflaten, le contrebassiste d'origine suédoise qui vit du côté de Chicago, et Ned Woolley, le trompettiste microtonal qui vit, je crois, à New York. Le précédent album était sorti en cassette sur étiquette Astral Spirits, la subdivision de Monophonus Press, qui récidive avec un album sur 33 tours, cette fois-ci sous le titre de Amaranth. Et je propose d'écouter le morceau Fuchsia, puisqu'on est beaucoup dans les couleurs ce soir, par Ice Peak. Thank you. Ça s'est envoyé une nouvelle triplette pour s'acheminer vers la fin de l'émission Les Îles de Puce sur triplette de titres de disques récents impro free. Tout d'abord, I Speak, la rencontre entre Ned Woolley, Ingebrigt Åkerflaten et aussi Monsieur Corsano, le nouvel album Amarante sort ces jours-ci sur l'étiquette Astral Spirits en vinyle. Astral Spirits qui sort aussi une galette vinylique de Monsieur Joe McPhee de la fin des années 70. Ça s'était enchaîné avec le trio qui répond au nom de In Love With, trio hexagonal, et le disque Axel Érotique sorti par l'excellent label Rémois Bicoque. C'est la rencontre entre les joueurs de crin-crin Valentin Secaldi et son frère violoncelle et violon. Ils sont en compagnie de Sylvain Darifourc. L'album est vraiment excellent de bout en bout, ce Axel Érotique par In Love With, drôle de nom d'ailleurs pour ce projet. Et on a terminé avec le retour de Corsano, cette fois-ci en duo avec la saxophoniste qu'on a découverte l'an dernier, Mette Rasmussen, qui est vraiment à suivre de très très près. Et ce disque All the Ghosts at Once, sorti par Relative Pitch Records, c'était sorti à l'été dernier. Ils avaient tourné de manière assez extensive tous les deux, Chris Corsano et Mette Rasmussen, et je pense qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot, ces deux-là, dans ce projet en duo de l'excellent Free, comme on l'aime, dans l'Asile le plus sûr. Voilà, l'émission touche à sa fin. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de cette playlist sur le site asile35.blogspot.fr avec les podcasts, des vidéos, également des commentaires et puis aussi des présentations un peu de tout ce que vous pouvez entendre toutes les semaines sur cette même émission, également sur le mixcloud.com/redman. On se quitte avec un dernier titre, il s'agit de Ketev, Monsieur Yair Elazar Glotman et son projet post-ambient, compositeur basé à Berlin, qu'on a découvert aussi l'an dernier, qui a sorti des disques sur Opal Tapes et aussi sur le label de Londres Where to Now, qui récidive avec cet excellent Traces of Weakness. Et l'an dernier, on l'avait beaucoup écouté aussi sous son vrai nom, Yair Elazar Glotman, l'excellent étude qui était sortie sur Subtext, disque de trituration de contrebasse des profondeurs, une vraie merveille. Je vous conseille de vous ruer sur ce disque sur Subtext, ainsi que ce nouvel album de Ketev, l'excellent disque Traces of Weakness. Voilà, vous saviez tout. Je referme cette émission et je vous souhaite une excellente nuit, une très très belle semaine à vous. À bientôt. Thank you.

Mm-hmm.